L'entretien du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères se thème « Si les États-Unis provoquent une nouvelle guerre en Corée, ils seront ruinés définitivement et pas un seul ne restera pour signer un acte de capitulation » a été rapporté par les médias cubains, iraniens, russes, brésiliens et tchèques dans l'espace du 25 au 28 juillet.